طيب إذا قال رجل لا إله إلا الله وعبد الله ودعاه وسجد له ولكن مع ذلك يقول الكفار على خير، الكفار على خير من حيث دينهم، هل هذا مسلم؟ لا، ليس بمسلم، ليس بمسلم. نعم. وما هو ما هو دليلك على ذلك؟ ها؟ إن الدين عند الله الإسلام، لكن هو يقول أنا مسلم، أنا أقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وأصلي وأصوم وأزكي وأحج وأحج، كيف ذا؟ كنت أحج ما وجدت ذن. محمد معك شيء؟ ها؟ ما فيش اسم أصلي ولا شيء من تحديد. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. نعم. ماله ودمه وعبده. نعم. حديث طارق، طارق بن أشيم. أصلا هذا الحديث ستجدونه في كتاب التوحيد، ستجدون في جميع الكتب المختصة بالعقيدة. نعم. فهو حديث عظيم. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، نعم، حرم ماله ودمه وحسابه على الله. نعم. لماذا قال حسابه على الله؟ هذا ما ذكرناه أمس. حسابه على الله في الحديث يعني حسابه على الله. أنا أحب أن أكون هذا الدرس بالعربية فقط، ما دام أن أغلبكم تفهمون العربية، أليس كذلك؟ ربما محمد ولا رياض إذا تحتاجون ترجمة أقولوها. طيب. نعم. نحن بالظاهر. نعم. نحن بمعنى نحن نحكم بالظاهر. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فنحن نحسبه مسلم، نحسبه مسلما وحسابه على الله إن كان غير ذلك. عرفتم؟ حسابه على الله، يعني إن كان منافقا مثلا قال لا إله إلا الله وأظهر لنا أنه يكفر أو يكفر بكل ما يعني عبد من دون الله، ولكن هو في الداخل منافق، فحسابه على الله. لا ندخل في ذلك، لا نفتش في قلبه أقاله أم لا، مفهوم؟ نعم. طيب، ما زلنا نذكر أقوال أهل العلم في هذا الباب. وقال القاضي عياض عليه رحمة الله وقائل هذا كله كافر بالإجماع، كافر بالإجماع على كفر طيب الإجماع على كفر من لم يكفر أحدا من النصارى واليهود وكل من فارق دين الإسلام أو دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شك. هذا من القاضي عياض. فعند الدليل، عند الاستدلال والحجة تكون يعني كلمتك أقوى إذا أتيت بآية ثم بحديث ثم بالإجماع وتقول أجمع الأمة على أن من لم يكفر المشركين أو صحها مذهبهم أو شك في تكفيرهم كفر. نسألك من نقل الإجماع؟ تقول القاضي عياض. ومن هو القاضي عياض؟ القاضي عياض من أكابر ماذا؟ من أكابر السلف، لكن هو في زمن القرن الرابع أو الخامس، لا يعد من الأئمة من القرون المفضلة كالإمام مالك والإمام أحمد، هو جاء بعدهم لكن من أكابر علماء عصره. طيب، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن لم يقر باطنا وظاهرا بأن الله لا يقبل دينا سوى الإسلام فليس بمسلم. الذي لا يعترف في قلبه أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل دينا سوى الإسلام، يعني دينا غير الإسلام، الذي لا يعتقد في هذا، يعني لا يعتقد هذا في قلبه، فليس بمسلم. فكم الآن في المجتمعات، في المجتمع الإسلامي، خرجوا من الإسلام وهم لا يعرفون، بمجرد أنهم ماذا؟ أنهم يرون أن دين النصارى ودين اليهود مقبول عند الله. فإذا كان هذا صادرا عن جهل محض، فيعذرون بالجهل، مفهوم؟ المهم، طيب، دونك لا شيخ الإسلام، مش قديم تشوف قوانين خيريات ولا لبعض الإخوة حتى يفهم المقصود تماما. دونك لو فات تغاسبير؟ آية، طيب. نحن dans le troisième naqid de nawaqid de l'islam, c'est le fait de ne pas rendre mécréants les associateurs ou de douter, c'est-à-dire sur le fait qu'ils soient mécréants ou pas, ou encore de dire que leur voie est juste. Si tu fais tout cela, alors certes tu es sorti de l'islam. بعد البيان بعد الإقامة الحجة والشهود. Et donc ensuite on a évoqué des paroles de savants sur le fait que la personne qui dit la ilaha illallah et qui se prosterne pour Allah azzawajal et qui n'adore rien d'autre en dehors d'Allah, mais qui ne rend pas mécréants les juifs ou les nasara, lui il n'est pas musulman. Cette personne-là elle n'est pas musulman. Et s'il les rend mécréants, aussi, maintenant, il les déteste. Il déteste les Yahoud, les Nasara ou les Mushrikin. Lakin, mais il ne les rend pas mécréants. Ou il dit que leur voie est juste. Sa voie, laisse à des musulmans. D'accord. Mais c'est un dalil de preuve. Eh oui, l'adillah, qu'elle a dit, Zakara, l'adillah, l'adillah, Abu Abdillah. Que le prophète Hassan l'a dit, man qala la ilaha illallah, celui qui dit la ilaha illallah et qui mécroit en ce qui est adoré en dehors d'Allah, alors certes est préservé son sang ainsi que ses biens. Les savants ils ont compris de ce hadith que si il dit la ilaha illallah mais il ne mécroit pas en ce qui a été adoré en dehors d'Allah, alors son sang ne sera pas préservé, ni son sang ni ses biens. بمعنى il n'est pas rentré dans l'islam حقيقه مفهوم لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. Le sang du muslim n'est pas permis si ce n'est pour trois choses. التارك معنى الا بثلاث. الطيب الزاد, celui qui est marié et qui est parti par la fornication. وماذا والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارقة للجماعة. Celui qui a tué une personne doit tuer, et celui qui s'est séparé de du groupe ou de la communauté musulmane. نعم نعم لا بوستا. طيب Donc là, on évoque les paroles des ulama sur ce chapitre. طيب قال شيخ الإسلام ومن لم يقر بأن بعد مبعثه أو بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم لن يكون مسلم إلا من آمن به واتبعه باطنا وظاهرا فليس بمسلم ومن لم يحرم التدين بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام بدين اليهود والنصارى بل من لم يكفرهم ويبغضهم فليس بمسلم باتفاق المسلمين. Donc, tu as l'ijma' qu'a rapporté Al-Qadhi hier, et ça encore, c'est un autre ijma' rapporté par Man, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Donc, dans cette masala, si on te demande c'est quoi l'ijma', tu peux venir avec l'ijma' qu'a rapporté Al-Qadhi hier, ou l'ijma' de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Non. طيب قال والمقصود هنا أن النصارى يحبون لازم فائدة جليلة يقول والمقصود هنا أن النصارى يحبون أن يكون في المسلمين ما يشابهونهم به ليقوى بذلك دينهم. Les chrétiens ils aiment qu'il y ait parmi les musulmans parmi les musulmans des gens qui s'apparencient à eux. Des gens qui s'apparencient à eux, qui s'apparencient aux chrétiens, afin que cela renforce leur religion. Pourquoi ? Parce que هَاُلَا يَعْرِفُونَ أَيْنَ الْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ. Ils savent que أهل الإسلام على حق. كما قال الله سبحانه وتعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Ils connaissent le prophète صلى الله عليه وسلم comme ils connaissent leurs propres enfants. اليهود بسبب أنهم أهل كتاب وذكر هذه الأمة ذكرت هذه الأمة في كتبهم وذكرت نبيهم أو ذكر نبيهم النبي صلى الله عليه وسلم était évoqué dans leur livre ainsi que cette communauté la communauté du prophète عليه الصلاة والسلام. نعم. Donc les chrétiens ils aiment que dans la communauté parmi les musulmans il y ait des gens qui les suivent. Et ceci va renforcer leur religion. De quelle sorte? Parce qu'ils vont dire, regardez, Haoula, malgré qu'ils sont à la haq, ils ne suivent. Haraftum. Falihada, hurrima ala al-muslimin. At-tashabbuh bil-kafirin. Naam. Taïb, qala, wa li an la yanfira al-muslimouna anhum. Et aussi, deuxième illa, la deuxième cause pour laquelle ils aiment bien que les musulmans s'apparencient à eux, parce que s'ils s'apparencient à eux, ça ne les fera pas fuir, ça ne fera pas fuir les musulmans des chrétiens, ni de leur religion. Plus tu vas t'apparencier à un peuple, plus tu vas te rapprocher de ce peuple-là. Et là, قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم celui qui s'apparente à un peuple, il sera ou il fera partie d'eux. ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بمخالفة اليهود والنصارى كما قد بسطناه في كتابنا اقتضاء صراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. هذا كتابنا رائع. هذا كتاب مانيفيك لشيخ الإسلام ابن تيمية. Qui s'appelle Iqtida As-Sirat al-Mustaqim, le fait d'emprunter le droit chemin, contrairement les mukhalafati Ashab al-Jahim, afin de contredire les gens du feu. Naam. Et c'est un kitab où Cheikh al-Islam il a évoqué le fait de ne pas s'apparencier aux mécréants, ainsi qu'à toutes les personnes de Dalal. Naam. وقد حصل للنصارى من جهال المسلمين كثير من مطلوبهم لا سيما من الغلاة من الشيعة والجهال النساك والغلاة في المشايخ. Et certes, les chrétiens, ils ont obtenu de la part de des ignorants parmi les muslimites, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Ou ils ont obtenu beaucoup de choses parmi ce qu'ils voulaient, ce qu'ils recherchaient. Surtout de la part des dirigeants parmi les chiites, ainsi que les ignorants parmi les nusak. Les nusak, c'est les soufites. وكذلك ceux qui exagèrent en vue de leurs mashaykh, en vue de leurs enseignants mashaykh. فإن فيهم شبها قريبا بالنصارى شبها قريبا بالنصارى الغلو والبدع في العبادات ونحو ذلك. Car certes, dans ces sectes, c'est-à-dire les chiites ou les soufis, vous allez trouver une ressemblance avec les Nasara, avec les chrétiens. Les Nasara, ja'alou mawloud nabiyahum Eidan. Les Nasara, ils ont fait la naissance, ou du jour où est né leur prophète, un jour de fête. Bien que, ils ne savent pas avec certitude quel jour il est né. فهذا من كذباتهم الكثيرة. لكن ils ont fait un jour de fête de ce jour. ماذا فعلوا الشيعة والصوفية نفس الخبر. Ils ont fait du jour de la naissance du prophète صلى الله عليه وسلم un jour de fête. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعونهم حذوة أو شبرا بشبر. Certes vous allez les suivre. C'est-à-dire il informe sa communauté, il les met en garde sur le fait qu'il y a parmi cette communauté des gens qui vont suivre les kuffars et les juifs et les chrétiens. Shibran bi shibr. Shibr hada. Shibran bi shibr. Wa qudwa bil qudwa. Yani pas à pas, vous allez les suivre. Non, c'est rien. Et là, dans tous les pays islamiques, arabes, tu vois combien de tachabou bil kuffar. Malheureusement, c'est chadid. Non. طيب نعم. وقال الإمام سليمان بن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله فهو سليمان ابن ما ابن عبد الله ابن ما ابن محمد ابن عبد الوهاب donc c'est le petit-fils de محمد ابن عبد الوهاب نعم. Et il fait partie des savants qu'on appelle A'immatud Da'wa. Les savants qu'on appelle A'immatud Da'wa. Les savants qu'on appelle A'immatud Da'wa, ce sont ceux qui ont suivi l'époque de Mohammed ibn Abdul Wahhab jusqu'à notre époque. A'immatud Da'wa. Et dans ces savants, il y a beaucoup de petits-fils ou de gens de la famille de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc ça, c'est son petit-fils Suleyman qui dit فَإِنْ كَانَ شَاكًا بِكُفْرِهِمْ أَوْ جَاهِلًا بِكُفْرِهِمْ. Si toutefois il a un doute sur leur méfiance ou il est ignorant de leur méfiance, بُيِّنَتْ لَهُ الْأَدِلَّةِ بينت له الأدلة من الكتاب أو من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على كفرهم. Imagine personne par exemple, elle est en mécréant mais elle déteste pas les Indiens. Mais elle sait que c'est des kuffars. Elle sait que c'est des kuffars. Mais les Indiens, ça a un khalal. Ça c'est un manque dans son wala wadbara. Tu peux les aimer d'une mahabba tabi'iyya. طبيعية مثل الآباء والأمهات والقريبين. Du fait que ce sont des gens proches de toi, le fait que tu les aimes d'un amour naturel, فهذا لا حرج عليك. Du moment que cet amour naturel, il ne va pas jusqu'au had où tu peux atteindre la méfiance. Par exemple, tu t'aimes ton père parce que c'est un amour naturel, voyez. Lakin si il t'ordonne de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et toi tu le fais parce que tu l'aimes naturellement, un père, d'accord, t'as fait shirk. Les gens au travail, tout ça, les aînés, ou même des camarades de classe, par exemple. Eh, c'est khatir. C'est khatir. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن يقيم بين ظهري الكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: je me désavoue d'une personne qui vit au milieu des كفار. نعم. ليش؟ لأن هذا سيسبب أشياء. وكما يقولون وكما تقول العرب من جلس جلس. Celui qui s'assoit avec une personne, il va être touché. بلا شك. المرء على دين خليله فلينظر من يخالف لا تخسر لا تسيب لا لا religion son ami intime regardez qui vous fréquentez فبلا شك ان الجلوس مع اناس يحصل من وراء ذلك تاثيرا سواء كان جلوسك صالح او جلوسك غير ذلك على غير ذلك. Du moment que tu t'assois avec des gens pieux ou avec des gens autres que des gens pieux, dans tous les cas, tu seras affecté. Si c'est des gens pieux, ils vont t'affecter dans le bien. Si c'est des gens mauvais, ils vont t'affecter dans le mal. Ma fi illa tariqa. Il y a deux chemins. Il y a juste deux chemins, pas trois. Soit ils te touchent dans le bien, soit ils te touchent dans le mal. Wahaka. فالإنسان يجتنب بقدر المستطاع يسوي كهالك وكي تخبأ يقوى يسأل الله يدواز دماندي على الله سبحانه وتعالى كي يغفر من سون كير سون الحق بعد ذلك يفوض أمره إلى الله يبقى يبقى كونفرنس على الله ويتوكل الله سبحانه وتعالى سيحفظه وسيبارك فيه وربما يبدل أصحابه مسلما يقلبهم مسلما هذا ذات الله عز وجل وهو القدير على كل شيء نعم mais on sait très bien que c'est très difficile c'est pourquoi il faut vraiment demander l'aide d'Allah عز وجل ومن استعان بالله نجا celui qui a demandé l'aide d'Allah il va réussir quoi qu'il arrive. وَمَنْ لَا يَسْتَعِينَ بِاللَّهِ خَسِرَ. Celui qui ne cherche pas l'aide d'Allah عز وجل, il a certes perdu même s'il fait tout l'effort du monde. طيب قال فَإِنْ كَانَ شَكًا فِي كُفْرِهِمْ أَوْ جَاهِلًا بِكُفْرِهِمْ بُيِّنَتْ لَهُ الْأَدِلَّةُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى كُفْرِهِمْ. وهذا كلام جميل de cet imam qui nous montre ماذا بينت له الأدلة من الكتاب والسنة هذا إقامة الحجة فهؤلاء التكفيريين يأخذون هذه النصوص ويلا بسم الله هذا لي لم الكفار خلاص كافر هذا لي لا دوت سر المذهب الكفار هذا كافر هذا كذا وهذا كذا ويخرجون لك يعني الآلاف من الإسلام بسبب سوء الفهم. نرجع سأسمع النص. وعليكم السلام. سأسمع النص. ده أئمة. تفضل. La personne qui dit notamment avec l'exemple hier, on est dans un but croix, ils nous font du réel, ils nous aident, ils nous droit. Alors que là-bas au bled ils nous laissent, non. C'est ce que je veux dire. Eh non. Voyons qu'on va à l'hôpital, ils nous traitent comme des. Mais eh non. On regarde les croix comment ils nous traitent, ça c'est une parole. لا تسأل البغل يعني تصدر عن جهل. سأل البغل كي provient ou qui résulte de l'ignorance des personnes sur حقيقة الحال sur la véritable situation. C'est-à-dire si ça provient de l'ignorance, ما يلام عليه. Il peut pas être condamnable. Parce que c'est une parole qui va dire, lui, sous l'effet de l'ignorance. Lui, il croit que la France, elle sait. Tu'inak. Ou tu'sa'idak. Et elle pense qu'elle va te donner le bonheur que tu recherches. Voilà. Et lui, ce qu'il voit des musulmans, al-fujjar minhum, et il regarde, il va regarder que ce que les pervers parmi eux, ils vont faire. Ou les gens des grands péchés. Et khalas. Inqalabat alayhi al-mawazin. C'est-à-dire la balance, elle va tourner chez lui dans sa tête. Et ça, yani, la personne qui pense cela, on doit lui montrer le haq et lui faire comprendre la vérité et le haqiqat al-mawdu'. Lakin sa kalam, elle va pas rentrer dans un naqid. Elle va pas rentrer dans un naqid min nawaqid al-lisan. Illa idha i'taqada, sauf si lui il croit. Là on parle plus de leur façon d'être, leur comportement. Sauf là, s'ils parlent de leur religion, alors là, khalas. Ils disent, ah, mais leur religion, regarde, elle appelle à l'amour ou des trucs comme ça. Ah là, khalas. Ah là, ils rentrent dans ces. Après. Tout le monde va dire, quoi ? Tout le monde va dire, dans le pays de l'Arab, ma wara dhalika illa le kuffar. Non. Yani. ظهر يعني عند في جامعة في أمريكا قبل 50 سنة أستاذ يعني خبير في الحروب وكذا il enseignait dans une des plus grandes universités je sais plus c'est quelle université. Al-Muhim, on m'a envoyé ce matin le résumé de ce qu'il enseignait à ses élèves. Et ses élèves, c'est des gens qui vont rentrer travailler après avec la CIA ou les trucs relatifs à la sécurité du national ou l'armée. Alors lui, il enseigne l'art de la guerre. Et Zirlen, la guerre, elle a un art, c'est une khibra azim. Et le prophète, il était vraiment très, très doué dans l'art de la guerre. C'est pourquoi quand il a annoncé qu'il allait sortir pour aller combattre les Romains, par exemple, il dit, il propage cela, de manière à ce que ça se propage, les gens ils croient qu'il va aller vers là, vers du côté des Romains, vers le Chien, monter vers le nord. Et non, lui en fait, il descend vers Mecque. Tout ça, ça fait partie de l'art de la guerre. وكذلك خالد بن الوليد خالد بن الوليد كان خبيرا في ذلك المهم كافر إلستيك يعني les nouvelles méthodes comment faire la guerre et il dit أولا نبدأ بتخريب الأخلاق on doit commencer d'abord par pervertir les comportements طيب أول الخطوة. Ça, c'est la première des choses. Pour combattre une communauté, on doit tout faire pour pervertir leur comportement. Enfin, Fakir, juste, lui, il te dit, ça, c'était il y a 50 ans, 500 ans. Il enseignait ça à l'école. T'as vu ? Et il te dit, la première étape, celle-là, là, de fait de détruire les comportements, elle doit durer entre 15 et 20 ans au minimum. Fakir, celui qui est né en 84, 20 ans après, en 2000 et quelques. C'est bon ? Si eux, ils ont mis en place cette chose-là, qu'ils ont mis en place. Parce que regarde bien, de 1950 à 2000, 50 ans, regarde comment le vêtement de la femme, il a changé. Il a changé, mais il a changé d'un changement. Azim. Comme par exemple, si tu prends les photos, les images, les dernières images que tu peux avoir de la fin du 19e siècle, ces images-là, elles vont te montrer que la femme, elle portait des vêtements très, très amples. Et ça a duré pendant combien de décennies ? Du temps du prophète, jusqu'à cette époque, ça fait des siècles et des siècles. Et eux, en 50 ans, ils t'ont ramené la femme, vous avez... il a voilà chez. D'un vêtement, ils t'ont ramené jusqu'à ce qu'elle porte rien du tout. Ça a dit. Et les gens, ils ne voient pas. C'est ça le plus étonnant. C'est-à-dire que tu marches avec les gens, des gens, ils ont peut-être 60 ans, 70 ans. Tu leur dis, ouais, mais attends, quand tu étais enfant, les femmes, elles ne marchaient pas comme ça. Et non, si, l'idée, c'est le bâton. Hadi, tu s'amma, razwa, fikriya. Ça, c'est un combat des pensées. Et bien d'abord ils kharrabent. Regardez comment ils ont. Bazar, ça c'est le vêtement. Ensuite le sport. Le sport, ils t'en ont fait une adoration. Ayazam billah. Ashar, si je l'ai fait le Qura fil Qadar, ouais, si vous salah, maïr d'air. Il ne peut pas. Il y a le temps de la salah, il ne peut pas. Et s'il y va, il n'y va pas comme quelqu'un qui va voir son Seigneur, qui va à la rencontre de son Seigneur. Il y va quelqu'un comme Khasir. Vas-y, Eshadar. Pourquoi ça vient à l'heure actuelle là, ou là, là. Tu vois? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont kharé. Eh, billah alayk, hada nar wa jannah. Wa anta amam fulan fulan, y'amal les harakats, fa kam mithla le donkey. Comme le singe. Hein? Wallah. Allah subhanahu wa ta'ala, yani, il veut pour toi le paradis. Il veut pour toi le paradis. Ils veulent t'éloigner de l'enfer. Tu te dis, là, moi, je préfère rester devant Ibrahimovic, je veux la Madrid. Ah, ben, ralat. Ralat. Ou Kathir. Ahl al-Sunna, tu les vois, mais Alhamdulillah, c'est le massage, ils ne perdent pas leur temps. Mais si tu regardes les musulmans, les jami', le chef Aam, c'est t'adjab. T'adjab. Et encore en France, là-bas. Mais si tu vas à Doual al-Arab, في مكة مكة كنا نذهب ونروح إلى درس الشيخ en revenant un jour d'un درس de شيخ on voit les gens les responsables de notre hôtel ils nous accueillent avec un accueil chaleureux أصحاب فرنسا ليش فيكم après ils ont tourné la télé ils ont dit le Paris Saint-Germain. Ils nous ont montré le Paris Saint-Germain qui gagnait contre je ne sais plus quelle grande équipe. Ça s'est dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, mais c'est vrai ça. J'aurais dit, mais comment, vous aussi, vous êtes dans cette ambiance, comme les gens ils sont en France. Ils ont dit, ils ont dit, mais bien sûr, on a le droit, c'est pas haram, vous êtes trop dur. Alors qu'en vérité, c'est le droit, c'est le droit. Ça c'est une perte de temps. Et avec ça, eux, pendant que toi tu perds ton temps à regarder comme ça, tu perds. Eux, ils font des nouveaux plans, des nouveaux projets. Pour te kharib toi, ta famille, tes enfants, ta descendance. Tes amis, tes frères, tu te dis. Non. Faninsan, bil'il, yahtadi. Et plus la personne elle apprend sa religion, plus la personne. Son iman est bien fort. Oui, il sait faire la différence entre le haq et le batil. Non. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. Oh, vous qui croyez, si vous craignez Allah, certes, il vous donnera un discernement. Et vous verrez clair. Non. On a parlé du foot parce que, يعني, ça c'est, minbab, يعني, bahran, ça paraît halal. Ou sinon, c'est à la musique, il y a les autres divertissements. Non. كل هذه من الغزاوة الفكرية الخبيثة. Non. طيب قال فإن شك بعد ذلك أو تردد فإنه كافر. Donc après que tu l'as fait l'iqamة الحجة, إن شك بعد ذلك أو تردد فإنه كافر بإجماع العلماء. فإنه كافر بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكافر فهو كافر. نعم. وعليكم السلام. طيب هناك تنبيه مهم وهو المراد بالشرك هنا الجلي أي الواضح الذي لا خفاء فيه ولا نزاع بين أهل العلم فكل ممن سيك عن السلو بارك الله فيك. فكل ممن فكل ممن لم يكفر مرتكبه أو شك في كفره أو صحها مذهبه فهو كافر. أما المسائل التي هي محل أو محل النزاع محل النزاع كمسألة تارك الصلاة تهاونا مثلا لا تدخل تحت هذا الناقد لوجود الخلاف فيها. نعم دونك لا تنبيه afin d'expliquer comme quoi lorsqu'on dit celui qui ne rend pas mécréant les mécréants yani les associateurs les mouchriquins, on parle de ce qui concerne les points qui sont évidents. Les points qui sont évidents, clairs. Et on accepte les points qui ont été sujets à la divergence entre les gens de science. Comme le fait de laisser la prière. Ça, c'est une divergence entre les gens de Bayn Ahl al-Ilm. Ou comme le fait de laisser. La zakat. Certaines personnes ont dit celui qui ne paye pas la zakat, il est kafir. La kin, ça c'est des messages khilafiyya. Celui qui va rendre la personne mécréant ou celui qui ne va pas la rendre mécréant, on ne va pas dire non, tu n'as pas rendu cette personne là mécréant alors que tu es mécréant. Non. Ils divergent juste sur le sujet de donner la zakat ou pas. Concernant la personne qui ne veut pas donner la zakat, il vient mécréant la personne, il y a une divergence. C'est sur le fait que la personne, elle peut pas. Elle veut pas, elle le veut pas. Elle peut, mais elle le veut pas. Non. Pourtant, quand les gens ont refusé de payer la zakat, ils... Oui, il les a combattus. Mais maintenant, est-ce que le fait qu'ils les aient combattus, ça veut dire que ils sont mécréants ou pas? C'est ça. Et Abdullah ibn Mas'ud, il voit qu'ils sont mécréants. Mais en vrai, c'est que ils sont encore dans l'islam. Le vrai point parmi les cinq piliers de l'islam, qui, s'il est délaissé d'une manière négligente, fera ou enverra son auteur dans les bas-fonds de la mécréance, c'est le fait de délaisser la prière. Non. Bien sûr, la parole La ilaha illallah, shahada, min bab al-awla. Lakin shahada et la prière, celui qui les laisse, il devient kafir selon la parole la plus forte. Wa ila huna wa subhanahu wa ta'ala, baqiya. Kedalik, qala, wa fihi butlan al-da'wa ila wahdat al-adiyan, ou al-taqarrub, ou al-taqrir. Al-taqarrub. Al-taqarrub. Et on prend de ce naqid comme quoi il y a une réfutation pour toute personne qui prêche vers l'unification des religions ou le rapprochement entre les religions. Naam. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qad ankara ala Umar kounuhu yanzar fi thawra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a réfuté Umar ibn Khattab lorsqu'il a voulu regardez ce qu'il y avait dans la Torah. ثم قال له والله لو كان موسى حيا لما وسعه الا ان يتبعني. Si Moussa il était vivant, il ne lui aurait pas été permis si ce n'est de me suivre. نعم. وفي رواية أخرى يقول et dans une autre version il dit ولو كان موسى حيا فتبعتموه لقد ضللتم فتبعتموه وتركتموني فقد ضللتم. Et si Moussa était vivant et que vous l'aurez suivi, et vous m'aurez laissé, vous seriez certes égaré. Ya Allah, هذا دين عظيم يجب التمسك به. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما تعبدون ولا أنا وما لا ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ما معنى هذا؟ يعني ها؟ نعم. فبمعنى ما سأتبعكم ولا تتبعون، لكن المفارقة بيننا. أيوة، هذا من أدلة الولاء والبراء. فكيف بعد ذلك يأتي واحد ويقول خلاص نغابخش عن طريق الريليجيون؟ هذا باطل. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. celui qui recherche une autre religion que celle de l'islam, cela ne sera pas accepté de lui, il sera dans le delà parmi les khasirin. قل لي عملي ولكم عملكم إني بريء أنتم بريء مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. dis ceci est mon œuvre et voici votre œuvre. vous êtes vous êtes désavoué de moi et je me désavoue de vous. نعم. فهكذا. وإلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.